pas à couper banane. Chargé Milène va porter moi. Il prend tête Milène, il a sorti dans la galère. Fia dit oui, mais voilà. Moi fout de mes voleurs, on dit, bien béni. Il marchait sur voleur. Il pop, il est fait sur voleur. Voleur gardé depuis le pied jusqu'en tête. Voleur levé, il frappe la tête. Puis où sont les gars? Salva aqui pra gente, quem foi?